Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a offert le 24 courant un banquet en l'honneur de l'envoyé spécial du président namibien en visite en Corée. Y ont été invités l'envoyé spécial Netumbo Nandi Undaitua, vice-premier ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération, et sa suite. Y ont pris part le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho et autres fonctionnaires intéressés.